إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعدنا الله وإياكم من النار. إن شاء الله تعالى، nous allons faire la rencontre aujourd'hui d'un autre héros, parmi les héros de notre série. Un héros qui est un autre commandant militaire, un autre personnage parmi les tabi'in qui ont fondé la civilisation islamique. Et avant de commencer, je signale que dans cet épisode, nous remarquerons un trait de caractère peu commun, qui est l'intercession. Avoir ce trait de caractère signifie que vous intercédez entre deux personnes en litige, en discorde. Le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala est puissant sur toute chose. Généralement, les gens hésitent à intercéder en faveur de quelqu'un par peur d'être repoussé, ou bien par simple indifférence, yani parce que ça ne les concerne pas ou ce n'est pas leurs affaires. Mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à le faire. Voyons maintenant qui est-ce qui a conquis l'Andalousie à cause d'une intercession. Un des plus célèbres des commandants militaires musulmans. Peut-être le suivant après Khalid ibn al-Walid. C'est lui, Moussa ibn Usayr, qui a consolidé l'islam dans tout le nord de l'Afrique. Il est connu que c'est Aqba ibn Nafi' qui a introduit l'islam au nord de l'Afrique. Mais celui-ci allait trop vite dans ses conquêtes, et par conséquent, il les perdait aussi vite. Il traversait par exemple avec succès et triomphe la distance entre la Tunisie et le Maroc en 3 mois. Mais laissant derrière, à l'arrière de son armée, des gens à découvert et sans protection, alors les Romains et les Berbères, qui n'étaient pas encore musulmans, venaient reprendre ces territoires. Assi Moussa ibn Usayr évita cette faute. Il a réussi à conquérir Chypre, la Sicile, la Sardaigne et le sud de l'Espagne. Moussa ibn Usayr est né en l'an 19 de l'Hégire, durant le califat de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, dans la ville de Khalil, en Palestine, une famille irakienne. Abu Bakr avait envoyé Khalid ibn Walid à la conquête de l'Irak, durant la plus célèbre des batailles dans ce pays, celle de Ayn al-Tamr. Khalid prit une forteresse où les Perses gardaient un de leurs plus grands trésors, qui était constitué de 40 jeunes gens très exceptionnels, des génies. Et parmi ces jeunes gens, il y avait le célèbre tabi'i Nusayr. Nusayr qui était le père de notre héros. Khalid les envoya tous vers Abu Bakr qui les traita avec bienveillance et pas comme des prisonniers de guerre. Il les gagna dans cette façon, à l'islam. Et les enfants de ceux-là devinrent tous plus tard des génies de cette religion. Subhanallah, remarquez les frères, remarquez mes sœurs, le comportement lorsqu'on cherche à gagner les cœurs. Il ne s'agit pas d'être rude et brutal, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent en ce qui concernait les esclaves qui avaient été libérés et qui avaient épousé des grands compagnons. Et subhanallah, tout ceci à cause du comportement de Aïcha Ummul Mu'minin. Et suite à ça, en une semaine, ils ont choisi l'islam. Sans que Aïcha radhiyallahu anha n'ait à leur parler de l'islam, à leur donner des arguments religieux, simplement par son comportement. Et subhanallah, c'est le résultat de cela a donné naissance à de très très grands tabi'ins. Et parmi eux, Sallam ibn Abdullah ibn Omar al-Khattab radhiyallahu anhu. Revenons donc à notre héros du jour. Abu Bakr avait marié Nusayr à une musulmane de Médine. Et les deux partirent avec Khalid à la bataille de Yarmouk. Nusayr admirait énormément Khalid ibn Walid. Et il rêvait d'avoir un fils comme lui qui pourra servir l'islam. Il eut effectivement un fils, qu'il nomma Moussa, et à qui il racontait tout le temps les exploits de Khalid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit d'un enfant est comme une page blanche, où on peut imprimer n'importe quoi. Ainsi, Nusayr a imprimé dans l'esprit de Moussa le modèle de Khalid ibn Walid. À 10 ans, une fois, pendant qu'il jouait avec son père, Moussa voulut le combattre avec son épée. Et il l'emporta sur son père qui lui dit « Je vois que tu seras comme Khalid ibn Walid. » Subhanallah, quelques mots forts qui inspirèrent à Moussa le rêve de sa vie. Devenir le deuxième Khalid ibn Walid. Le père de Moussa, qui habitait la Palestine, reçut une lettre de convocation de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était à cette époque-là gouverneur de la Syrie. Muawiyah voulait le nommer chef de sa garde personnelle pour montrer aux Syriens qu'il traitait tous les musulmans équitablement, indifféremment de leur nationalité. Ainsi, Moussa grandit en Syrie, mais il avait toujours Khalid pour idéal et non pas Muawiyah. Il tenait toujours à son rêve de combattant. Son père lui avait raconté que lorsque Khalid fut révoqué du commandement de la Syrie par Omar, les gens l'avaient vu faire encore plus d'efforts. Lorsqu'ils lui firent la remarque, il avait dit « Je conquiers la Syrie pour Allah et non pour Omar. » Lorsque Muawiyah voulut combattre contre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, il donna l'ordre à Nusayr de s'apprêter à la bataille, mais ce dernier refusa. Muawiyah lui rappela ses grâces envers lui, mais Nusayr lui rappela que toutes les grâces venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il avait fait serment de ne jamais combattre à moins que cela ne soit pour l'avantage des musulmans. Il faut savoir ainsi dire non. Il faut savoir dire non et ne pas agir contre sa propre volonté par crainte de fâcher les autres ou bien pour leur faire plaisir, mais plutôt agir dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. À l'étonnement de Nusayr, Muawiyah le consolida dans sa garde parce qu'il avait vu que cet homme avait des principes. Celui qui cherche l'agrément d'Allah l'acquiert et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce en plus de l'agrément des gens. Ce comportement de Nusayr était une très bonne leçon pour son fils. Moussa grandit, et plus tard, après la mort de son père, il rentra lui-même dans l'armée. Ali ibn Abi Talib était mort également, et Muawiya était devenu calife. Et il avait un problème avec les Byzantins, parce que les musulmans n'avaient pas d'expérience sur mer, et n'avaient pas de flotte. Ils n'avaient pas de bateau pour combattre sur la mer. Ainsi, il décida d'en construire. Il décida de construire une flotte et une armée capable d'aller sur la mer. Et ce travail fut terminé en 4 mois, bifadlillah azza wa jalla. Mais il s'agissait de trouver qui dirigera cette flotte, parce que les Arabes n'en avaient pas l'expérience. Ainsi, Muawiya décida de faire des classes d'entraînement sur ses bateaux, sur ses navires. Et Moussa fut un des premiers à s'y proposer. Il excella. Et Muawiya le nomma ainsi commandant de la flotte maritime musulmane, alors qu'il avait à peine 25 ans. Il partit ainsi à la conquête de la Sicile, et par la grâce d'Allah, il triompha. Muawiya mourut, et la lutte entre Yazid, son fils, et Al-Hussein, le fils de Ali, radiallahu anhu, commença. Yazid mourut aussi, et les musulmans se trouvèrent sans calife. Abdallah ibn Zubayr, en Arabie, et Marwan ibn al-Hakam, en Syrie, se disputèrent cette position. Moussa choisit d'être avec Abdallah ibn Zubayr. Et subhanallah, le destin voulut que ce soit Marwan qui gagne la bataille en Syrie, et Moussa ibn Nusayr dut s'échapper hors du pays. Il fut pris et il pensa demander l'intercession de quelqu'un. Marwan avait 2 fils. L'aîné, le prince héritier, et le deuxième, Abdelaziz, qui était le père du futur Omar ibn Abdelaziz, qui est connu comme étant le 5e calife de l'islam. Moussa demanda l'intercession de Abdelaziz. Et malgré que Moussa luttait contre son père, Abdelaziz décida d'intercéder en sa faveur. Car le verset dit: quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Man yashfa'a shafa'atan hasana hasanatan yakun lahu nasibun minha. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de responsabilité. Man yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. كان الله على كل شيء مقيتا. Et Allah est certes puissant sur toute chose. C'est peut-être pour cela que la part de Abdelaziz en ce monde fut d'avoir un fils tel que Omar ibn Abdelaziz. Abdelaziz le prit devant son père et intercéda pour lui. Marwan accepta à condition que Moussa ne touche aucune arme dans le futur et qu'il quitte l'armée. Abdelaziz, qui était en ce temps-là gouverneur de l'Égypte, le prit avec lui pour lui donner une position administrative. Et à cause de cette nouvelle position, Moussa voyageait énormément au nord de l'Afrique et il rencontrait beaucoup de gens. Et il comprit pourquoi les musulmans n'arrivaient pas à se stabiliser dans cette région. Marwan mourut et le nouveau calife Abdelmalik, qui n'aimait pas beaucoup son frère, écrivit à ce dernier et lui dit de lui envoyer Moussa pour l'envoyer en Irak, aider un troisième frère à eux qui s'appelait Bishr. En Irak, la cour de Bishr était formée d'hommes malhonnêtes qui volaient de l'argent et qui jetaient la faute sur Moussa ibn Nusayr. Bishr mourut. Et ces mêmes hommes s'en allèrent à Damas accuser Moussa auprès de Abdelmalik. Et Moussa sut que c'était en vérité Al-Hajjaj ibn Yusuf qui devait le juger. Et subhanallah, il mit en ordre les papiers qui devaient prouver donc son innocence, parce que Abdelmalik avait commandé à Al-Hajjaj de lui ramener Moussa pour le mettre en prison. Ainsi, Moussa pensa aller demander de nouveau l'intercession de Abdelaziz, qui fit tout le trajet, subhanallah, depuis l'Égypte vers la Syrie. Et malgré les différends qui existaient entre lui et son frère, il intercéda auprès de ce dernier pour Moussa. Remarquez comment l'intercession pour une cause juste et valeureuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Abdel Malik accepta de pardonner à Moussa à condition qu'il paye 100 000 dinars qu'il était supposé avoir volé, subhanallah. Et comme bien sûr il ne les possédait pas, ce fut toujours Abdelaziz qui vendit un de ses terrains pour les payer à sa place. Et je pense que c'est pour cela que Omar ibn Abdelaziz fut cet éminent calife. Parce qu'il avait un père comme Abdelaziz. C'est une règle. C'est une règle. Comme on trouve dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient, que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Soyez justes si vous voulez que vos enfants réussissent dans leur vie. Abdelaziz demanda à son frère de prendre Moussa pour le mettre à la tête du commandement de l'armée de l'Afrique du Nord. Il dit à Abdel Malik: s'il est vaincu, tu seras débarrassé de lui. Et s'il triomphe, la victoire sera pour nous. Ainsi Abdel Malik accepta et Moussa baisa ou embrassa la tête d'Abdelaziz par reconnaissance. Moussa retourna donc à l'armée après 15 ans pour réaliser finalement son rêve d'être Khalid ibn Walid. Avons-nous des rêves aussi prestigieux pour l'islam? Avons-nous des ambitions si fortes? Au nord de l'Afrique, Moussa mit un plan pour éviter les fautes de Urba ibn Nafi'a. Son plan prévoyait de conquérir l'Afrique du Nord petit à petit, en assurant toujours la protection des arrières de l'armée. En même temps, il devait présenter aussi l'islam aux Berbères pour les gagner à la cause des musulmans. Et il demanda au calife de lui envoyer 100 parmi les tabi'in pour leur apprendre l'islam. Ainsi, parmi les du milieu des Berbères amazirs, nous avons vu apparaître ce génie appelé Tariq ibn Ziyad. Le nord de l'Afrique fut conquis. Et le rêve suivant de Moussa était la conquête de l'Espagne. Il envoya demander à Abdelaziz de continuer sa marche vers ce pays. Mais il lui répondit que pour une décision aussi grave, il devait prendre la permission du calife Abdel Malik. Et subhanallah, ce dernier étonné lui demanda de lui énumérer les obstacles. Moussa lui répondit qu'il n'avait pas assez de combattants ni de bateaux, ni de port, et que la nature du terrain européen était différente, avec des montagnes et des cours d'eau, alors que les musulmans n'avaient d'expérience que dans les combats dans le désert. Il y avait encore qu'après avoir traversé, l'arrière-garde de l'armée musulmane serait exposée. Ainsi Abdel Malik pensa que cet homme était devenu fou. Et comme il voulait se débarrasser de lui, il refusa de lui envoyer de l'aide et lui dit de se débrouiller seul comme il le pouvait. Alors Moussa établit un plan sur 3 ans. Mes frères, mes sœurs, il y a une grande différence entre un homme qui vit pour manger et dormir et un autre qui vit pour réaliser un rêve grandiose, un rêve extraordinaire. Moussa bâtit une flotte maritime et 3 ports dont Tanger, le port de Tanger. Il conquit tout d'abord Majorque pour assurer la protection des arrières des musulmans à leur entrée en Espagne. Il envoya également des troupes d'éclaireurs pour connaître le terrain espagnol. Il lui restait un seul problème. Ses combattants étaient en très petit nombre. Il pensa que l'islam n'était pas le monopole des Arabes. Il prit donc des combattants berbères. Le problème était résolu et Moussa, qui n'avait pas de complexe, mit Tariq ibn Ziyad à la tête de l'armée parce que les berbères l'écouteraient et le suivraient. Il dit : tu es le commandant et je suis ton assistant. Il s'était rappelé la parole de Khalid lorsqu'il avait dit : je conquiers la Syrie pour Allah et non pour Omar. Une grande sincérité et un cœur très pur. Abdelmalik ibn Marwan mourut durant cette guerre en Espagne. Et El-Walid ibn Abdelmalik, qui lui succéda, eut peur que Moussa ne forme une armée contre lui. Et, subhanallah, des hommes de la cour qui étaient jaloux chuchotèrent cela au calife. Abdelmalik le convoqua et lui fit quitter l'armée. Avant de partir vers Abdelmalik, Moussa mit son fils à sa place, comme aide pour Tariq ibn Ziyad. Et malheureusement, son fils mourut dans une des batailles en Espagne. Mais Moussa avait réalisé ses rêves. Il avait vieilli et voulut partir en pèlerinage. Une fois le pèlerinage terminé, en sortant de la Mecque, il mourut et fut enterré aux portes de cette ville parce que c'était un homme sincère, d'un cœur très pur. Alhamdulillah, nous remarquons l'importance de l'intercession et le résultat de celle-ci. Suite à une intercession bonne et bénie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cet homme, ce héros, a pu réaliser ses rêves qui étaient de faire triompher l'islam, d'accorder à l'islam d'énormes succès. Ces succès qui étaient la conquête de l'Espagne musulmane. Et pour plus de détails concernant cette histoire et ces événements, nous vous rappelons que la série L'histoire de l'Andalousie reprendra et continuera après ce mois béni de Ramadan. Je vous recommande de suivre la chaîne Telegram des larmes de sang. On actifie à l'al-qadr. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وتعطر